donc un peu les filles. Allez, on va arriver ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric, bienvenue dans l'émission Johnny de A à Z, ici sur RIG, 90.7 de la bande FM et internet rigfm.fr. Bienvenue pour cette 512e émission Johnny de A à Z. Et aujourd'hui, je vous ai concocté un petit album de la semaine. On va parcourir l'année 1999. Si je vous dis 1999, vous allez me dire évidemment l'album 100%, oui, l'album 100% composé par le fils de Johnny Hallyday, David Hallyday. 100% est le 42e album studio de Johnny Hallyday. Il est sorti le 13 septembre 1999. L'album est composé par David et également co-réalisateur, hein, et aussi avec Pierre Giaconelli. Dès que la presse a su que le fils David Hallyday allait écrire pour son père l'intégrale d'un disque, elle a voulu raconter leur saga. Elle a fait, hein, à sa manière. De la naissance du fils en 1966, en passant par 1979, sa première apparition dans un show de son père, puis dans les pas de sa carrière de chanteur, personne ne se doutait que l'album lui-même en dirait plus encore. L'accueil époustouflant qu'allait trouver 100% a plébiscité en 1999 le travail méticuleux de l'auteur et de l'interprète de l'album. Comme si c'était rassurant pour tout le monde que ce père et ce fils-là puissent produire d'aussi belles choses ensemble. C'est ainsi qu'un enfant a offert à son géant de père son œuvre la plus célèbre. 100% est resté comme le plus grand succès public de Johnny Hallyday et comme son album le plus littéraire. Ce titre, effectivement, n'est pas usurpé. Le texte de François Sagan, Quelques cris, a servi de révélateur au projet des deux générations Hallyday et comme disait Johnny, on ne pouvait pas lui associer n'importe qui ou n'importe quoi. Commence alors la chasse au texte sous l'impulsion de la directrice artistique Caroline Molko. Beaucoup de propositions parviendront, mais le choix sera exigeant. Au final, seront retenues les contributions de Philippe Labro, qu'on ne présente plus, Lionel Florence, Pierre Grillet, Zazie, Vincent Ravalec, Éric Chemouni, Mio Sec et aussi le retour, à noter, le retour de Michel Mallory, dont la dernière chanson pour Johnny remontait à 1982. Et le 26 mai 1999, en attendant le nouvel album prévu pour septembre, Mercury Universal édite le CD single Vivre pour le meilleur. La chanson est signée donc David Hallyday à la musique et les paroles sont de Lionel Florence. Bonne soirée à toutes et à tous, bonne écoute de l'émission Johnny de A à Z. Qui cherche la lumière en pleine nuit, des gens qui courent après l'amour et qui le fuient, les bras qui se lèvent pour un Dieu qu'ils ne voient pas. Moi j'ai ta chair contre ma chair, en ça je crois. Qui n'ont que l'illusion d'attendre un signe, et femmes qui pleurent leurs enfants, mais restent dignes. Toi, tu me rends plus fort chaque jour, sans Dieu ni loi. Et quand nos corps se font l'amour, je sais pourquoi. Ah, ce soir, je vous présente un album qui va encore vous faire remonter quelques souvenirs. Hallyday by Hallyday. Envoie moi la musique. Well, it's a one for the money, two for the show, three to get it ready, now go, guys, go, we're done. Step on my blue suede shoes, and I'll show you what you can do in a favor. Yeah, for my blue suede shoes. Me down, step on my face, sign my name all over the place. Do the thing that you want to do, but only half of my shoes, don't you? Step on my blue suede shoes. Well, you can do the thing, lay off of my blue suede shoes. My car, drink my liquor, my whole food jar. Doing the thing that you want to do, but only half of them choose. But don't you step on my blue suede shoes. When you do the thing, lay off of my blue suede shoes. For the money, two for the show. Take it ready now, go, go, go. Don't you step on my blue suede shoes. Well, you can do the play, but lay off of my blue suede shoes. Well, it's a blue suede shoes, baby. Blue suede shoes, baby. Blue suede shoes, yeah. Blue suede shoes. Well, you can do the play, but lay off of my blue suede shoes. À l'instant, Johnny avec Blue Suede Shoes, version de 2000. Ahmet Etergun est l'une des figures les plus importantes de l'industrie discographique moderne. Il a apporté la gloire à Ray Charles, à Aretha Franklin et à tous les grands de la soul music. Il produit là un disque hommage au studio Sun, autre grand découvreur de stars parmi lesquels Elvis Presley et Jerry Lewis. Le disque s'appelle Good Rockin' Tonight, The Legacy of Sun Records et il réunit le gratin de la musique rock, Paul McCartney, Jimmy Page, Eric Clapton, Elton John et tant d'autres. Seul artiste qui n'est pas d'origine anglo-saxonne, June Hallyday trouve ici une reconnaissance internationale que justifie parfaitement cette version du classique de Carl Perkins. Accompagné par deux guitaristes de renom, Chris Spedding et Robin Lemessurier, il enregistrera aussi avec eux une version live de ce titre à l'Olympia en 2000 pour le DVD Hallyday par Johnny. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Johnny Alive, on le retrouve à Marseille ce coup-ci. C'était le 16 juillet 2000 pour la tournée, la grande tournée 2000. Vous retrouvez plein de quelques titres de l'album de la semaine. Et l'orage en tempête, on s'est perdu à chacun notre tour. Et après tant d'amour, et après tant de jours, il ne reste que des étrangers. Je n'ai déjà plus. comme de l'étranger. Et toi? Sa tournée de stade, c'est les Champs-Élysées, mais il a fait après au pied de la Tour Eiffel avec le Champ de Mars rempli de plus de 600 000 personnes. Et puis aussi, il a aussi occupé l'Olympia pendant près de 2 mois. Mais revenons à l'album de la semaine. Et en même temps, nous allons entendre Johnny, David, Pierre Giaconelli qui vont parler au micro de diverses émissions que je vais vous diffuser au cours de cette émission. Comme du genre, c'était le 14 septembre 1999, un jour après la sortie de l'album, dans l'émission exclusif. Il a juste commencé par balancer un petit « ça serait sympa qu'on bosse ensemble un jour ». Je lui dis oui, c'est vrai, ça serait vraiment sympa. Et c'est vrai, quand j'ai proposé à David d'écrire cet album pour moi, il est très pudique, David. Il m'aurait jamais dit « je suis fou de joie, je suis content ». Il m'a dit « c'est une bonne idée ». Mais je suis sûr qu'au fond de lui-même, il en est très heureux. Parce que je reconnais à part entière son talent. C'est pour ça d'abord que je lui ai demandé. Je n'ai pas uniquement demandé pour faire un coup médiatique parce que c'est mon fils. En disant, tiens, médiatiquement parlant, c'est un bon coup, le père et le fils faisant un album. Il y a des gens qui vont penser ça. Mais ça, là, je peux garantir que ça n'a pas été ça du tout. Et quelqu'un qui a du talent, je ne vois pas pourquoi il écrirait pour quelqu'un d'autre plutôt que pour moi. Donc j'ai commencé à écrire une ou deux chansons. Il a bien aimé. Et on en a fait trois ou quatre, puis après cinq ou six. Et puis après, ça en est venu à faire tout l'album. Je crois que quand j'ai commencé cet album, la première demi-heure, quand je suis rentré dans ce studio... Il lui était déjà en studio, il m'attendait. J'ai eu autant le trac qu'avant de monter sur scène au Stade de France. Une autre peur, un autre trac. Mais aussi, en tout cas aussi fort. Ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est de le voir arriver en studio avec l'envie de chanter, quoi. On est super enthousiaste, on va faire ci, on va faire ça. Il a écouté des choses qu'il n'écoutait jamais auparavant, des trucs de guitare, d'ambiance, sur la piste, enfin des choses dont il ne se préoccupait pas auparavant, et il a pratiquement autant bossé que nous, quoi, dessus. Un jour viendra, me dira, je t'aime et je t'aime. David a composé toutes les musiques de ce dernier album, disque d'or avant même sa sortie. De nombreux auteurs ont contribué à l'écriture des 13 titres. Parmi eux, Michel Mallory, affectueusement dit le cowboy corse. Il a écrit 170 chansons pour Johnny, dont toute la musique que j'aime. Leur collaboration renaît aujourd'hui, après 15 ans d'interruption. Il y a une grosse tendance dans le dernier album des années 70s. Mais années 70s, pas avec le son des 70s, c'est-à-dire dans l'idée générale. Mais dans le son, bon, on fait du son avec l'évolution de la musique d'aujourd'hui, c'est sûr. Voici le titre de Zazie, le poids des mots de l'album 100%, l'album de la semaine, dans l'émission Johnny de A à Z. C'est la peine qu'on se donne, ou bien la peine qu'on se fait. Tu sais, l'amour qui nous unit, ça n'est pas toi mon ennemi. Crois-moi. Je pèse le poids de mes mots. Oui, je suis la plaie et le couteau. Tu sais les coups que tu me donnes ne valent pas ceux que je m'assène. On se démène contre soi-même. Je n'ai pas de pire ennemi que moi. Je pèse le poids de mes mots. Je suis de moi. Pèse le poids de mes mots. Et je suis la plaie et le couteau. Je pèse le poids de mes mots. Oui, enfant de roi et de salaud. Il n'y a pas pire ennemi que soit. On pèse le poids de nos mots en mettant de nous le bourreau. On pèse le poids de nos mots en mettant la plaie. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Année spéciale 1999 et en 2000. Et puis voici un extrait live. Un extrait de l'album de la semaine. 100% avec le titre éponyme, évidemment. 100%. Johnny a aidé à la Tour Eiffel le 10 juin 2000. A pas toujours trouvé les mots pour bercer tes rêves d'enfant. Ensemble, on est devenus grands. Paralysé par tant d'amour, on s'apprivoise au jour le jour. J'ai jamais su trouver les gestes qui pouvaient soigner tes blessures. C'est pas vers le futur. À tous les signaux de détresse, dis comment j'aurais pu faire face. Pris entre le feu et la glace, au-delà de nos différences. Ce qui reste en nous d'innocents, puisqu'on se comprend à présent. Peu à peu la douleur s'efface, on n'en garde plus qu'une trace, comme une offense au temps qui passe. Au-delà de Johnny Hallyday à la Tour Eiffel, c'était le 10 juin 2000 et le titre donc de son fils 100%. Justement, on parle de son fils, il est l'invité de la semaine. Et avec, en 1999, le 15 juin exactement, le jour où la date d'anniversaire de son père, il sort son album Un Paradis, Un Enfer. Et en extrait de cet album-là, je vous propose une chanson qui a été composée donc par David Hallyday et aussi écrite par Michel Mallory. Voici Ange étrange. Vous écoutez Johnny de A à Z, ici sur RIG et nulle part ailleurs, de 22h jusqu'à minuit tous les mercredis. Quel dieu ou bien de quel diable peux-tu être l'étrange créature? Dangereusement désirable derrière ce regard d'enfant si pur. Je sais que tu es un ange. Thank you. retrouve également sur l'album Un paradis, un enfer, le succès de David Hallyday, Tu ne m'as pas laissé le temps. Nous allons retrouver Johnny Hallyday et l'album de la semaine d'ici quelques instants. Oui, qui est l'album de la semaine qui est sorti le 13 septembre 1999. Et tout à l'heure, j'ai fait une petite bourde. Non, je vous parlais d'une émission exclusive. Et non, il n'y a pas du tout d'exclusive ce soir. J'ai carrément zappé. Mais nous allons aller dans l'émission nulle part ailleurs. C'était le 22 septembre 1999. Et on retrouve Johnny Hallyday, David et puis aussi Pierre Ciaconelli. Johnny, l'album 100%, le dernier, caracole déjà en tête des ventes de disques en France. Il y avait déjà plus de 250 000 précommandes. L'album était disque d'or avant même sa sortie, à savoir le 13 septembre. Par le passé, vous arrivez rarement, mais ça a pu se produire un petit peu, qu'un album marche moins bien que les autres. Vous savez, dans toutes les carrières de tous les chanteurs, de tous les musiciens, ça arrive souvent. Il y a des albums qui marchent mieux que d'autres. Il y a des albums mieux réussis que d'autres. Voilà, je pense que cet album-ci, en ce qui me concerne, moi, je le trouve réussi parce que c'est un album de famille. C'est un album que j'ai concocté avec mon fils. J'ai des gens que j'aime beaucoup, qui sont des musiciens, qui ont participé à, disons, à la réalisation de cet album, dont Pierre Ciaconelli, qui a aussi fait les guitares sur l'album. Et puis, bon, il y a des auteurs que j'aime beaucoup également qui ont participé à cet album. On en parlera au cours de cette émission. Voici maintenant un des trois titres qu'a écrit Miossec pour cet album 100%. C'est notre histoire. Ni les yeux, ni le regard à maquiller en bleu ce qui dans le fond est noir. Tu sais, mes yeux sont ton miroir. Regarde-moi un peu, veux-tu encore y croire? Tu me demandes du feu. Minuit sonne quelque part. Tes doigts tremblent un peu, comme dans un mauvais polar. D'un regard tu me dis adieu. Fin de l'histoire. parmi les musiciens de cet album 100%, on retrouve évidemment quelques noms, hein, des noms connus, bien entendu. Au guitare, on retrouve Pierre Giaconelli et Robin Le Mesurier. À la basse, Michko. À la batterie, Abraham Laboriel Junior. Au clavier, Christophe Voisin. Au Rhodes Wurlitzer, Eric Goal. Au piano, Eric Lanty. Aux percussions, Denis Benaroche. Au chœur, Clarol Fredericks, Yvonne Jones, Marc Popeski, David Hallyday et Zazie, etc., etc. Et à présent, on va retrouver maintenant le duo impossible. J'ai pris un titre de Johnny et j'ai recherché sa version originale et je l'ai mixé avec. Aujourd'hui, c'est le titre Let the Good Times Roll de JD MC Pherson, Let the Good Times Roll, avec le titre de Johnny Hallyday, Made in Rock and Roll. Le titre de original date de 2015 et celui de Johnny, c'est l'album posthume datant de 2018. On écoute ça tout de suite sur l'antenne de RIG. Qui passe, et c'est pas le vent de mode qui passe. Le vent il va tomber bien avant moi, de ma partie verra. C'est écrit sur mon cœur, je suis made in rock and roll, made in rock and roll. Let the good times roll, made in rock and roll. Let the good times roll. Le temps, il se lassera bien avant moi, de la partie verra. Let the sky open up and let the good times roll. Qui me fera tenir en place, c'est pas l'argent qui me fera tenir en place. Let the sky open up to the darling, follow me when I go. Let the sky open up and let the good times roll. Let the good times roll. We made it rock and roll. Let the good times roll. We made it rock and roll. Open up, little darling. Follow me when I go. Take a kiss on my bones. Just say, made in rock and roll. Made in rock and roll. Made in rock and roll. Made in rock and roll. Made in rock and roll. Just the good times roll. Revenons à l'album de la semaine qui est 100% sorti le 13 septembre 1999 et on retrouve tout de suite l'émission Nulle part ailleurs du 22 septembre 1999. Et David, il était fatal, on se dit qu'un jour ou l'autre vous arriviez à travailler avec votre père, mais de là à composer toutes les musiques d'un album, il y avait un gouffre. Comment se sont enchaînées les choses ? En fait, oui, enfin, j'ai toujours souhaité qu'on travaille ensemble un jour ou l'autre, mais je pensais que ça allait se passer vraiment plus tard dans le temps, je pensais pas que ça allait arriver si vite et c'est en fait... un soir, on s'est vu chez lui où il m'a montré déjà le texte de Françoise Sagan. Et donc j'ai pris le texte, j'ai dit tiens, laisse-moi faire un truc pour voir si j'y arrive. Et donc en fait j'ai commencé par faire cette chanson et ensuite on s'est... Il faut dire qu'il y avait cinq compositeurs qui s'étaient déjà cassé le nez dessus. Hein. et donc ensuite les choses se sont suivies et voilà, donc après on a fait une chanson, qu'est-ce que tu penses de celle-là? Ouais, pas mal, et tout, fais-en une autre. Donc j'en ai fait deux, trois et puis on a fini par faire en fait tout l'album. Et vous Johnny, est-ce qu'à un moment vous avez eu peur de ne pas savoir comment gérer cette collaboration, de ne pas savoir comment dire non, si parfois peut-être certains trucs vous plaisaient pas? Vous savez, au départ, David m'a proposé plus de 20 chansons. Alors, obligatoirement, on devait en mettre de côté. Donc, ce qu'on a mis de côté, c'est les chansons que j'aimais, moi, personnellement, le moins. Ouais. Et David a continué à travailler sur celles que j'aimais le plus, que lui aimait. Mais moi, j'écoutais aussi David, parce que quand il me disait, fais-moi confiance, je vois comment ça va être orchestré, je crois que cette chanson-là, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Mm-hmm. Je lui ai dit, bon, écoute, je te fais confiance, donc allons-y. Mm-hmm. Allons-y, et puis c'est ce qu'on a fait, de toute façon. Et Pierre Jaconet, vous avez travaillé à la fois avec David et Johnny par le passé. Là, vous revenez, vous remettez le couvert avec Johnny Hallyday. Et on a l'impression, vous allez nous dire si vous êtes d'accord avec cette option, qu'il est revenu à une dynamique musicale proche de celle qu'on lui connaissait, disons, dans les années 70, mais sans refaire du tout les mêmes choses. Hein. Ouais, tout à fait. C'est plutôt façon 60, enfin, rattaché aux années 70, mais avec un son, une manière de faire moderne. Alors, rattaché de quelle manière? Bah, rattaché dans l'univers musical et la manière sa manière de lui placer de placer la voix de par rapport à la musique. Ça a pas été en fait quelque chose de préparé à l'avance comme Pierre et moi on a un petit peu, enfin tous les trois on a plutôt écouté les mêmes choses, donc ça s'est fait plutôt facilement tout seul, quoi. Et avec d'autres cultures d'aujourd'hui, mais évidemment qui est on est proche de l'an 2000, quoi. On écoute Fat Busting, on écoute des gens comme ça, donc c'est plus proche de ça. Et vous dites, Johnny, vous voyez plus un crooner qu'un rocker. En quoi? Parce que je trouve qu'il prend, pour moi, il prend sa dimension quand il est crooner, quand il pose sa voix de plus doucement, disons, que quand on l'entend plus sur des chansons très rock et très brutales, quoi. Pour moi, ça a plus de dimension comme ça. Et Johnny, d'ailleurs, il m'a mis une frappe une fois en studio, faut dire. Moi, je me lâchais de temps en temps. Et est-ce que Johnny est chiant en studio? Non, exigeant. Très exigeant. C'est-à-dire, il n'y a rien qui passe, quoi. Voici à présent un des deux titres que Michel Maléry a écrit pour cet album 100%. Si tu m'aimes. Malgré ce que tu peux croire, je serai capable d'amour si tu m'aimais. Mais si tu m'aimais. Je tuerai dans ma mémoire celle qui dorme toujours si tu m'aimais. Si tu m'aimais. Je serai prêt à te suivre en enfer s'il le fallait, si tu m'aimais, si tu m'aimais. Une étrange envie de mourir, rien que pour te voir pleurer, si tu m'aimais, si tu m'aimais, si tu m'aimais. j'aurai le goût de vivre. Une raison d'exister si tu m'aimais. Si tu m'aimais. Si tu m'aimais. Je te couvrirai d'or. Je t'aimerai si fort. À m'en briser le corps. Si salut, c'est Johnny. Johnny en live. On retrouve Johnny Hallyday en répétition avec le titre L'arme de gloire. Un titre qu'il aura interprété qu'à Toulouse le 2 juin 2000. Quand il y avait un océan, dis-moi ce que j'aurais pu faire. Aller jusqu'au bout de la terre. Toronto. John a aidé à présent à l'Olympia, qu'il a occupé de la mi-juin jusqu'à la fin août. Et avec ce titre de Michel Mallory, deuxième titre de l'album de la semaine, 100%, un jour viendra. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime. Du bout du cœur, mais le dire quand même. Un simple mot et l'aveu. Une larme borde tes yeux, feront de moi un homme heureux. Un jour viendra, tu sauras toutes ces choses qui ont fait ma vie bien plus noire que rose. Tu comprendras mes pudeurs et tous ces mots qui me font caché comme un voleur. Toi, c'est le ciel qui t'a envoyé vers moi pour me réapprendre à aimer. Et attends, laisse faire les jours, laisse le temps au temps et à l'amour. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime et j'aimerai. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime. Du bout des yeux, mais le dire quand même. Dans le ciel de ton regard, lire ton désir et ma victoire. Un jour viendra, tu m'aimeras. Toi, c'est la vie qui t'a envoyé vers moi, qui n'est jamais fait que passer à côté des choses essentielles. Par des fuites pour brûler mes ailes. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime et j'aimerai. Oui, laisse faire les jours, laisse le temps au temps et à l'amour. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime et je t'aimerai. Je t'aimerai. Johnny Hallyday à l'Olympia en l'an 2000. Revenons à l'album de la semaine qui est 100% sorti le 13 septembre 1999. Et voici quelques chiffres. Au 20 décembre 1999, l'album 100% est certifié diamant par le SNEP pour 1 million d'exemplaires vendus. Record absolu pour un album studio de Johnny. Et ce n'est pas fini. Côté single, Vivre pour le meilleur et Un jour viendra, qu'on vient d'écouter, totalisent respectivement 500 000 et 400 000 copies écoulées. En février 2000, le cap des 1 500 000 copies est franchi. Le 11 mars, lors des 15e victoire de la musique, le trophée du meilleur album de l'année est décerné à 100%, bien entendu. Et en décembre 2000, l'album atteint les 2 millions d'exemplaires, un record pour Johnny. Voici un autre extrait de l'album de la semaine, Remise de peine, encore un titre écrit par Miossec. quand tombe le soir. Et qu'est-ce que t'es belle à en crever le ciel. J'y ferai plus sur le fil du rasoir. J'essaierai de changer de trottoir. Mais qu'est-ce que t'es belle, mon Dieu, comme je t'aime. Ce ne sera plus pareil. À présent, on va retrouver Antoine Decaune et son émission L'Odyssée Johnny Hallyday. Et là, on va parler d'un certain David Hallyday. L'Odyssée Johnny Hallyday. Salut, c'est Antoine Decaune qui adore enfoncer des portes ouvertes, c'est plus facile, en affirmant par exemple, au cas peu probable où ça vous aura échappé, que le rock and roll est l'expression d'un désir de quoi ? De liberté ! Or, coïncidence, en 1989, la France fête le bicentenaire de sa révolution. Et cette année-là, Johnny collabore avec un insoumis notoire, Étienne Rodagil, à qui il confie l'écriture et la supervision de l'album Cadillac. La chanson qui donne son titre à cet album, écrit par Étienne Rodagil, raconte l'épopée d'un rebelle, entreprenant, Monsieur Cadillac, parti du Bordelais pour fonder la ville de Détroit, la capitale des moteurs et du rock'n'roll, dans le Michigan. C'est pas un hasard, c'est le destin. De la liberté qu'offre la voiture à celle de la moto, il n'y a qu'un tour de roue, et connaissant la passion de Johnny pour les grosses cylindrées, Rodagil lui fait chanter « Il faut bien que je survive, le vent dans ma crinière », à direction le désert. Enregistré à Paris au studio Gang, l'album Cadillac doit ses musiques à plusieurs compositeurs, principalement Jean-Pierre Bucolo, habituel complice de Renaud Séchant. Mais une autre signature attire l'attention, celle de David Hallyday, fils de Johnny. David, dont la carrière a démarré depuis quelques années déjà, et qui en 1990 a publié l'album Rockin' Heart, sur lequel on trouve ce morceau intitulé « To Have and To Hold ». Just in my soul, I can show you.

À plus tard, Antoine Decaune. Revenons à l'album de la semaine qui est 100%, sorti le 13 septembre 1999. Et 100% donc est un succès populaire mais aussi critique jusqu'aux médias les plus élitistes qui salueront la faculté de Johnny Hallyday d'arriver à encore surprendre après 40 ans de carrière. Les bâtards. Voilà. On retrouve Johnny Hallyday dans l'émission Nulle part ailleurs de septembre 1999. Et sur les textes, c'est particulièrement exigeant aussi. Alors vous avez fait appel, Johnny, tu as fait appel à neuf auteurs différents. En premier lieu, il y a eu François Sagan, texte que vous aviez depuis un certain temps, les uns et les autres. Et puis il y a eu d'autres collaborateurs comme Philippe Labro, Michel Mallory, Miossec, Vincent Ravalek, Zazie. Mais on a l'impression que tout en étant très exigeant, vous leur avez laissé une vraie liberté. Ben, les textes au départ étaient quand même vus par David. Comme c'était sa musique, déjà il fallait que quand un auteur donne un texte, des fois les mots pour les chanter ne sont pas toujours placés aux bons endroits. Il y a un mot qu'on peut pas couper en deux, par exemple. Et David les chantait, lui, au départ, il faisait des maquettes et il disait non, ça va pas, il faut bon. Donc finalement, moi j'arrivais au studio, le boulot était, pour ainsi dire, mâché pour moi. Il était fini. Mais il faut refaire la copie à un certain nombre de gens. Philippe Labro expliquait que sa chanson, il a fallu 3-4 moutures avant qu'elle soit. On l'a appelé 4 fois en lui disant que ça n'allait pas du tout. Parce que David lui a donné une chanson. Non, c'est vrai. Non, mais avec tout le talent qu'il a, hein, ça veut rien. David lui a donné une chanson en français, la babo, comme on dit, avec juste pardon. Pardon, badadadadada, pardon. Et puis, mais quel genre de pardon fallait-il faire? Alors, au départ, c'était le pardon de t'avoir trompé, pardon de. Et ça revenait toujours, tu t'en vas, je suis seul, bon. On l'a fait 100 000 fois, ouais, ça. On avait marre de le faire. Et finalement, jusqu'au jour, il a trouvé le pardon. Alors, le pardon, c'était pardon à tous les hommes qui n'ont jamais su aimer une femme, qui n'ont jamais su conjuguer le verbe aimer. Bon, voilà. Ouais. Et Pierre, vous serez d'accord pour dire, comme plein de gens qui écrivent des choses intéressantes sur ce disque, que c'est le plus Hallyday qu'on a entendu depuis un certain temps? Je pense, ouais, j'espère. Ouais. C'est tout. Un autre titre, on en parlera encore une fois de ce titre, pardon, et justement avec Philippe Labro. Voici Partie de cartes, écrit par Vincent Ravalek, qui avait écrit aussi Les larmes de gloire. J'avais peur de mourir. j'avais peur de mourir. Votre casque sur les oreilles. Vous écoutez Johnny de A à Z. Hallyday fait l'unanimité chez les arbitres, chez les bronchés et chez les autres. Trois écrivains de renom sur cet album. François Sagan qui signe un titre, Labro, qui est présent, Miossec. C'est la chanson bronchée française. Dans quel sens t'as voulu choisir ces textes? Parce que les textes, ça t'appartient et c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis tes collaborations. T'avais sûrement envie de... Non, voilà, c'est parti comme ça. C'est que, bon, David, le faisant, n'écrivant que la musique, il fallait trouver, bon, les auteurs. Et tout est parti par la superbe chanson de François Sagan. La voici justement en direct de l'Olympia, quelques cris. J'ai poussé. C'était un cri de nouveau-né. Le jour où ma mère me mit bas, du sanglant entre ses bras, l'éclat du soleil me fit peur, me fit peur. La deuxième fois que j'ai crié, ce fut un cri de volupté. Lorsqu'une femme m'attira, nue tremblante entre ses bras, l'éclat du plaisir me fit peur, il me fit peur. J'avais le regard. C'est pas que du corps parfois se fout noir. Que du corps parfois se fout noir. Le troisième cri que j'ai lancé, lui fut celui de l'homme comblé. L'éclat du succès me fit peur, oui, me fit peur. Si aujourd'hui je ne crie plus, c'est qu'une autre a pris le dessus. Elle parle peu, elle parle pas. La solitude brise ma voix. Une écho question simplement, j'ai une question pour vous. Vous voulez que ça continue? Eh bien alors, juste après la pub. Hallyday by Hallyday. Johnny et la publicité. Ouais, c'est sérieux. Un jour viendra. RTL présente 100% l'album événement de Johnny Hallyday. Et j'aimerais. Le nouvel album de Johnny Hallyday. Un événement universal. Avec plus de 2 millions de disques vendus, voici 100% le plus grand album de Johnny Hallyday. Retrouvez tous les tubes de Johnny sur l'album Événement 100%. 100% l'album de Johnny. Avec RTL, un disque universel musique. Je pense que je suis un chanteur de variété, revu et corrigé par le rock'n'roll, mais je ne suis pas un chanteur de rock'n'roll pur. Well, it's a one for the money, but two for the show. I'm gonna get ready now, go cat go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything for lay off on my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step on my face, sign my name all over the place. Well, do all the things that you wanna do. Well, I'll lay half a nice shoe, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, lay half of my blue suede shoe. Oh, that's rockin'. Drink my liquor from my old food jar. Do anything that you wanna do. Oh, honey, have a nice shoes, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, lay off of my blue suede shoe. Let's walk again. For the show, you get ready now. Go, go, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything to lay off on my blue suede shoe. Well, it's a blue, blue, blue suede shoe, baby. A blue, blue, blue suede shoe, baby. A blue, blue, blue suede shoe, yeah. Johnny chantant devant Ahmet Ettergun, le fondateur donc de Music Atlantic, et c'était donc à l'Olympia en l'an 2000. Johnny chantait avec Chris Spedding et avec Robin Lemesurier, Blue Suede Shoes. On retrouve l'album de la semaine sorti en 1999, et cette fois-ci on va écouter Philippe Labro. Mais surtout le truc, c'est que par la suite, je peux pas mettre n'importe quel auteur avec mon face. Il fallait être ajusté un petit peu. Et je voulais quelque chose d'uniforme au point de vue écriture. Donc on pouvait pas tomber tout d'un coup dans Dado Randron. Je veux dire, tu comprends, c'était pas possible. Et donc j'ai beaucoup travaillé sur un texte qui n'a pas plu au début. Donc on l'a jeté. Et puis un deuxième qui n'a pas plu non plus. Et on l'a jeté. J'ai aucun orgueil d'auteur, moi. Si l'interprète considère que ça lui convient pas, qu'il le sent pas, qu'il va pas bien le faire passer. Si en plus c'est manager ou c'est directeur artistique ou même un garçon comme David qui lui avait fait la musique, puisque j'ai travaillé sur le corset musical de cette chanson, me disent non, c'est pas tout à fait ça, ben je recommence. Donc j'en suis à mon avis à la 2e ou 3e ou 4e version, et ce jour-là Johnny a dû dire quelque chose comme écoutez, il faut, parce qu'à un moment donné on a dit bon, on abandonne, les gens ont dit ben, donnons le titre à quelqu'un d'autre, parce que si la brouille n'y arrive pas, il y a une raison. Et Johnny, qui m'aime beaucoup, qui est un homme très fidèle et très loyal, et que j'aime beaucoup aussi, a dit quelque chose comme « Non, non, laissons faire Philippe, je connais sa capacité de reprendre un texte, il sait pas bien. C'est lui qui doit le faire, c'est à lui qu'on l'a proposé au début, et il faut qu'il le fasse. » Voici le titre « Pardon », extrait de l'album de la semaine, 100%. Et nous avons écouté à l'instant Philippe Labro, c'était cet extrait de l'émission Fréquence Star sur M6, diffusé le 5 octobre 1999. Vous écoutez RIG et l'émission Johnny Dehaz, tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit. Pardon, je viens vous demander pardon pour tous les hommes qui n'ont jamais appris le verbe aimer, qui n'ont jamais compris la force de l'amour, la beauté de la vie. Pardon, au nom de tous les hommes qui ne savent pas aimer. Oui, pardon, au nom de tous les hommes qui n'ont un autre titre, live, à propos de mon père, qui est une grande surprise du chant de l'Olympia. Non, c'est vrai. Vous êtes tout simplement formidable. venons de faire a été composé en 1974 par Michel Mallory. Il est passé inaperçu à l'époque et fera pleurer d'émotion les vieux fans à l'Olympia. Je l'ai inventé tout entier. Il a fini par exister. J'ai pu ce père que je n'ai jamais eu. J'imaginais ma main d'enfant à l'abri dans sa main de grand. Le seul homme en qui j'aurais cru. Que je n'ai jamais eu. Il m'a donné un nom, il m'a donné la vie. Tant pis si je ne sais pas qui. Qui ne le connaissait pas. Il n'y a qu'en moi qui l'ai vécu. Et ce père que je n'ai jamais eu. Il est parti. Il était mon premier secret. Et je disais qu'il existait. Et j'ai menti tant que j'ai pu. Père que je n'ai pas eu. Pour ce père que je n'ai pas eu. Et pour ce père que je n'ai pas eu. On va retrouver à présent un nouvel extrait de l'album de la semaine. Et juste avant, nous allons avoir quelques intervenants, comme Pierre Grillet, un des complices de Bachung, qui a écrit « Je t'aime comme je respire » sur l'album 100%, Zazie, et aussi Pierre Giaconelli. Un nouveau mot, voici, on les retrouve. Donc, c'était l'émission Fréquence Star. Très émouvant, il me touche beaucoup. J'étais très fier et très content. Enfin. Non, ça m'aurait vraiment fait de la peine de ne pas écrire un jour une chanson pour Johnny. C'est vrai, vraiment. J'aime bien quand il chante, sa manière de chanter vrai, de lancer le ballon, je dirais, et de dépasser les 100 mètres. Donc j'ai envie de lui faire un texte qui lui permette. Donc je cherche des mots qui sont peut-être des mots qui me pourraient sembler un peu énormes. Moi, je chanterai jamais la plaie et le couteau, par exemple. Je trouverais ça un peu fort, un peu osé. Lui, il en fait un espèce de concept. Le couteau, ça devient un truc de bande dessinée. Donc c'est génial, quoi. C'est le seul à pouvoir transformer un essai comme ça aussi. D'un mot, juste un mot. C'est une aventure qui est tellement chargée humainement, émotionnellement. Enfin, c'est, pour moi, il faut toujours que ça soit vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais peut-être encore avec Johnny, il y a peut-être encore quelque chose d'encore plus que ça. Parce que c'est tellement mythique qu'on ça donne vraiment envie de faire un ultime album pour lui qui soit vraiment un album essentiel. Quoi. Voici le titre de Pierre Grillet, « Je t'aime comme je respire ». ce soir un monde à part. Personne voit rien, je me consume ma vie tout entière. Se résume à tes mains, je m'en souviens. Je suis à fleur de peau, mais mes fleurs ne poussent bien que sur toi. Loin, ça ne me vaut rien, loin, je ne vaux rien. Que j'emmènerai. Si je t'ai, j'ai tout. Le désert, je connais, et les îles, je m'en fous. Loin, ça ne me vaut rien. Loin, je ne vaux rien. Elles ont servi à fabriquer quelqu'un qui te veut du bien. Ça ne me vaut rien, loin je ne vaux rien. Quand tu m'as sous la main, tout me revient. Loin ça ne me vaut rien, loin je ne vaux rien. Rien d'autre à dire. Ça ne finira jamais. Johnny et les films. Au-delà de l'album 100%, on vous retrouvera dans quelques mois au cinéma, à l'affiche de Don Liu, de Laetitia Masson. Vous partagez l'affiche de ce film avec Sandrine Kiberlin. C'est un film qui a l'air très important pour vous. Pourquoi ? Mais il est important pour moi parce que c'est tout à fait... c'est un rôle à l'opposé de ce que je suis. C'est vrai que c'est le rôle d'un chanteur, mais c'est pas du tout un chanteur comme moi, je fais mon métier. C'est un loser, c'est un gars qui a jamais vraiment eu beaucoup de succès, donc et puis qu'il a une fan, une qui est folle amoureuse de lui et qu'il poursuit partout aux États-Unis. Et bon, bah, il la largue un peu. Jusqu'au jour. Non, mais c'est vrai, jusqu'au jour. Il la largue un peu ? Non, il la largue beaucoup d'ailleurs. Enfin, à chaque fois qu'elle rentre dans sa chambre, et il lui. Bon, enfin, il faut voir le film, hein. Jusqu'au jour où il s'aperçoit que finalement. Qu'il est vraiment amoureux d'elle, mais c'est trop tard. Et le titre définitif sera Love Me et non plus Only You. Voici Johnny et Sankey Berlin avec Love Me Tender. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true. All my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long. C'est parti, dernier extrait de l'album de la semaine, 100% sorti le 13 septembre 1999. Et quelques petites infos encore comme ça, hein. L'album devait initialement se nommer Tel Père, Tel Fils, et le titre 100% qui finalement s'impose et qui a été trouvé par Sylvie Vartan. Et venant confirmer l'accueil du public fait à l'album, 6 titres, fait rare, hein, sont diffusés en single. Vivre pour le meilleur sort le 26 mai 1999 et donc il se vend à plus de 500 000 exemplaires. Un jour viendra le succès à partir du 24 août. La chanson 100% sort un single le 16 novembre 1999. Un quatrième extrait paraît le 21 février 2000 avec la chanson Partie de cartes. Une cinquième diffusion en single sort le 6 juin avec le titre Pardon. Et une sixième et ultime extrait sort le 2 octobre, Quelques cris, en version studio et live à la Tour Eiffel. L'album est resté 90, il me semble qu'il est resté 99 semaines dans le top album. Voici X tout de suite sur l'antenne de RIG, la mission Julie de la Z. C'est de la tôle, comme se saigner sont mortes ce jour-là. Devant toi, faut pas que je me dise que la terre devient folle sous mes pas. Sans toi, mais si un jour tu sonnes et que je te revois, je t'aimerai malgré moi. Crois-moi, est-ce que tu te rends compte pourquoi les anges sur terre font vivre l'enfer à ceux qui les aiment tant? Pourquoi les anges sur terre déclarent toujours la guerre à ceux qui les aiment tant? Un jour tu sonnes et que je te revois, t'aimerais malgré moi. Crois-moi, faut pas que je me dise que la terre devient folle sous mes pas. Sans toi, est-ce que tu te rends compte? Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Et pour terminer cette émission spéciale album de la semaine 100% 1999 et aussi terminer l'année 2000 où Johnny avait fait l'Estade et tout ça, Olympia et Tour Eiffel, on le retrouve à Vichy le 29 juillet 2000 et ce titre, Aimer vivre. C'est écrit dans tes yeux. Quand tu parles de ta vie, c'est écrit dans tes rêves, dans tes moindres envies. Cette force qui te porte, j'en ai besoin aussi. C'est écrit quand tu danses, quand tu fermes les yeux, rien n'a plus d'importance, rien de ce qu'on avoue. Si c'est ton corps qui bouge, c'est ton cœur qui fait tout. Je veux te voir changer. Yeah.

passage à cette émission Johnny de A à Z avec l'album de la semaine 100%. Je remercie toutes et tous d'avoir participé, d'avoir écouté cette émission. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une émission tout en live. À bientôt à tous. Ciao, ciao.